Ludo in the Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. I'm losing my head now. The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Succumb to this passive sensation, peacefully falling away. souvenirs, des nouveautés. C'est ça qui argumente le mix de Ludo. Bonne soirée à vous. On est là jusqu'à 23h. Il nous reste encore 1h30 à passer ensemble. Here, right? Well, we. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.

Mix de Ludo, le vendredi et samedi soir, 21h-23h, et tout ça sur Sorgi FM et nulle part ailleurs. David Guetta, Dimitri Vikas. Bon week-end à vous. Mix. le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Mamma fiosa, mamma fiosa,

le mix de Ludo. Le mix de Ludo, le vendredi et samedi soir, 21h-23h, tout ça sur Sorgi FM et nulle part ailleurs. À l'instant, Tupac. Money out. switch like she bounce. Left tights for dirt. Open my position, my competition. Bonne soirée, c'est le mix de Ludo. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM. Be my ritual. I sit around. Satisfaction. Bonne soirée, vous l'écoute de Sorgé FM. On se retrouve demain, vendredi. Demain, samedi, pardon. Déjà vendredi. Nouvelle édition du mix de Ludo. 21h, 23h, demain, samedi. Comme tous les week-ends. N'oubliez pas le podcast de l'émission. Disponible à partir de lundi midi sur le site de Sorgé FM. Et puis voilà. Calvin Harris et Rihanna. Ah, c'est chiant d'avoir les bouchées, hein, franchement. Mix le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. Sorgé FM. We'll be right back. There's no place I'd rather be. with every step we take. Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. I got no rules, I count. hoping it would save me. Keep your head up. Ludo sur GFM. Sur GFM. Le vendredi et le samedi à 21h sur GFM. Dernière ligne droite du mix de Ludo. Passez une bonne soirée à vous, on se retrouve demain, 21h-23h pour une nouvelle édition du mix de Ludo. D'ici là, ben, amusez-vous bien, sortez couverts et faites attention à vous si vous sortez. de Ludo. Le mix de Ludo. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why, don't be shy. La la la la la, la la la la la, la la la la la, la ta ta ta. Make it pop, DJ blowing speakers up tonight. In. Celle qui suit, je vous la mets en entier demain. À l'instant, c'était Kesha avec TikTok. J'en aurai même pas le refrain. Bonne soirée à vous, rendez-vous demain 21h-23h pour une nouvelle édition du mix de Ludo. Comme le dit le jingle, que voici. Ludo in the mix. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgia FM. Sorgia FM.